Amis golfeurs, votre marché Richelieu Flora la Chance de Saint-Prime vous invite à profiter de ses spécialités pour le grill afin d'agrémenter votre 19e trou. Dégustez nos 10 variétés de succulentes saucisses préparées en magasin pour vous. Régalez-vous aussi de nos exquises rosettes de saumon farci au fromage et aux crevettes. Ou encore, tous les vendredis, expérimentez nos réputées et savoureuses côtes de dos cuites sur place. Pour un après-golf réussi, pensez marché Richelieu Florent Lachance de Saint-Prime, qui profite de l'occasion pour vous souhaiter une excellente saison. On va parler de golf avec notre ami Gilles Larouche. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas parlé. J'ai dit, Gilles, il faut faire des chroniques parce que c'est commandité. Donc, on va lui parler. Salut, Gilles. Bon matin. Gilles, en passant, c'est commandité par épicerie Florent Lachance de Saint-Prime, donc qui est notre commanditaire majeur. Donc, Gilles, ça fait 15 jours qu'on ne s'est pas parlé. Qu'est-ce qui se passe avec vous autres au club de golf de Saint-Prime? Là? C'est la fin de saison achève, quoi? Ben, on est mis pas mal en décroissance, oui. Mais par contre, au cours des deux dernières semaines, disons qu'on était fort occupés. On a eu ici le championnat du club. On a eu des activités avec différentes entreprises. On a eu la fin de semaine dernière une nouvelle activité qu'on a relancée, c'est-à-dire la classique du lac Saint-Jean. Okay. La première journée avait lieu à Saint-Prime, la deuxième avait lieu au lac Saint-Jean. Ça a regroupé 120 joueurs du Tour du Lac. On a eu des joueurs également de Dolbeau. Malheureusement, avec Dolbeau, on avait prévu l'activité entre les deux clubs et en se disant que, considérant que c'est la classique du lac Saint-Jean, il y a des joueurs de Dolbeau qui se sont greffés à nous. Et l'an prochain, nous serons meilleurs, c'est-à-dire qu'on va faire une grande fête du lac Saint-Jean. Et nous, ça nous permet en même temps de discuter, de regarder ensemble l'avenir, parce qu'on sait que le golf est en une situation assez précaire. Et ça nous permet de, comme je mentionnais, de discuter, argumenter, puis se donner des plans pour faire face à la crise que l'on fait face actuellement, puis se donner des bons moyens, puis s'entraider au niveau des trois clubs du lac. Ben, c'est clair. C'est ensuite, clair. Je voulais mentionner, Danny, que oui, on a la Chambre de commerce qui arrive cette semaine. Nous, on est en train de finaliser les derniers travaux au niveau du terrain. On a 17 terrains de vendus sur 18. Alors, nous sommes très occupés à ce moment-ci, malgré le fait qu'on amorce l'automne tout en douceur. OK. J'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer maintenant avec ça. Donc, on va surveiller ça de très, très près. Du côté compétition? Au niveau compétition, ben la semaine dernière, comme je mentionnais, c'est qu'il y a eu la classique du lac Saint-Jean. Plusieurs joueurs de ont bien figuré, entre autres Nathalie et France Kepnes qui ont gagné au niveau féminin. Dans le A, ça a été Jean Lamotte et Jean Castonguay. On a eu dans la classe ouverte deux équipes de Saint-Prime avec M. Roger Caron, Mario Bolduc, qui ont fini ex aequo avec Michel Genet et Gilles Potvin. Et plusieurs autres ont bien performé là, avec des deuxièmes et troisièmes positions. Ce qui est un peu malheureux, c'est qu'au niveau de Saint-Prime, on n'avait seulement que 30 inscriptions sur 120 joueurs. Mais il faut dire que c'est une première. Puis nous, ce qu'on veut faire ici, c'est vraiment de relancer tout l'aspect de compétition. On était longtemps effacé, si on veut, au niveau régional. On participait pas au Field Day, aux compétitions féminines. Alors, ça commence tranquillement. Et l'an prochain, ben, les gens qui n'ont pas participé ont vu que c'était une formule qui était drôlement intéressante. Et c'est un partage, entre autres, avec nos copains du lac Saint-Jean. Et l'an prochain, on anticipe une plus grande participation, selon les commentaires qu'on a reçus. OK. Donc, on va surveiller ça également. Qu'est-ce qui s'en vient maintenant au cours des prochains jours? Donc, au cours des prochains jours, nous ici, c'est plus des locations de salles. Au niveau des prochaines compétitions, nous, ça va être à l'Action de grâce, le tournoi de fermeture. Okay. On peut pas le faire avant, parce que tous les samedis, ici, la salle est louée pour des mariages, des cérémonies ou autres. Alors, nous, c'est des compétitions à l'interne, des petites visites qu'on reçoit des autres clubs de golf. Alors, comme je mentionnais, on est en décroissance, on se dirige vers la fin de l'année. Les compétitions sont plus derrière nous. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que avec les compétitions qu'on a eues cet été, ça nous a permis de faire connaître notre terrain. Et les commentaires sont très élogieux. Ce qu'on a cette année qu'on n'avait pas les autres années, c'est que au niveau des clubs, ce qu'on appelle les interclubs, qu'on appelle le club Chicoutimi, Saguenay, on a beaucoup de visites. On a des visites de 12, 16 joueurs, des groupes qui viennent arpenter, si on veut, notre terrain. Et disons qu'au niveau financier, ça a une incidence au niveau en saison automnale. Et je voudrais souligner, parce que j'allais faire une bévue, c'est que la semaine prochaine, on a le reconnaissance senior. Okay. C'est-à-dire que tous les joueurs qui ont fait 4 ou 5 compétitions seniors viennent nous rendre visite. Et on attend tout près de 100 joueurs mardi prochain. Okay. Alors, c'est le dernier événement senior et nous sommes fiers de l'accueillir. Ben, c'est bien intéressant également. Ça fait le tour pas mal pour la semaine? Oui, mon ami. Donc, on se reparle très prochainement. Donc, Gilles Larouche, le directeur général du club de golf de Saint-Pierre.